Chapitre 2. La communication à distance dépend-elle réellement de l'art du dessin ? Les points de vue divergent. D'un côté, il est incontestable que seul un dessinateur de haut niveau a la possibilité de contacter un interlocuteur, mais d'un autre, il est indéniable que n'importe qui peut s'exprimer une fois le contact établi. Élis Miltruif, maître dessinateur à l'Académie d'Alget. Edwin avait planté son sabre devant lui dans le sol et tenait à la main son arc de guerre. Il le banda, amenant l'empennage de sa flèche jusqu'à sa joue et attendit. Elana et Salim avaient perçu le cri de Camille et bifurqué dans la direction du groupe. Le cheval d'Elana, alourdi par sa double charge, ne distançait plus que d'un mètre le loup de tête. La bête sauvage bondit soudain en avant. Edwin ouvrit les doigts. C'était un tireur exceptionnel et son arc une arme redoutable. Le trait mortel fila, presque invisible. Pourtant, comme averti par un sens inconnu, le loup lévita d'une ahurissante pirouette. La flèche se perdit dans les buissons. L'action avait toutefois offert aux deux fuyards les quelques secondes qui leur manquaient. Ils atteignirent le chariot et sautèrent au sol. « Attachez votre cheval !» ordonna Edwin. « S'il s'échappe, il est mort !» Elana et Salim s'exécutèrent comme s'ils n'avaient jamais quitté le groupe, puis la marche ombre se tourna vers Salim. « Grimpe !» Salim n'hésita qu'un instant et se hissa dans un arbre proche de celui de Camille. Les loups s'étaient arrêtés et semblaient tout à coup se désintéresser de leur proie. Il n'en était évidemment rien. Comme s'ils mettaient en place un stratagème soigneusement rodé, ils se dispersèrent et, très vite, le groupe des compagnons fut encerclé. Le mâle qui menait la meute leur faisait face, ses yeux brillants d'intelligence fixés sur eux. À nouveau, Edwin banda son arc et décocha une flèche. Le loup lévita sans plus de difficulté que la première, et Edwin grimaça. « Nous sommes dans de sales draps, il va falloir nous réfugier dans les arbres. » « Je n'abandonnerai pas Murmure à ces animaux !» s'exclama Elana. « Ce ne sont que de gros chiens sauvages !»« Détrompe-toi !» grogna Edwin. « Il s'agit de loups du Nord, je les connais bien, nous n'avons aucune chance !» Perché dans son sapin, Camille s'apprêtait à interpeller Salim lorsqu'elle sentit Maître Douhomme esquisser un dessin. Aussitôt, elle maudit son manque d'à-propos et plongea à sa suite dans l'imagination. Elle en émergea en moins d'une seconde. La sensation était incroyable. Elle ne trouvait qu'une manière d'expliquer ce qu'elle ressentait. Ça glissait. Elle renouvela sa tentative et, une nouvelle fois, fut expulsée de l'imagination comme si elle s'était avancée sur une surface givrée. Maître Douhomme trépigna sur sa branche. « Aïe, as-tu ! Il ne manquait plus que ça ! Que se passe-t-il ? » s'inquiéta Camille. « Je n'arrive plus à dessiner ! Les marches du Nord sont un pays de fous ! » s'emporta le vieil analyste. « Il n'y a qu'ici que se forment des hiatus. Ces endroits n'obéissent pas aux lois classiques du dessin. Le pouvoir y fluctue, parfois intense, parfois totalement absent, comme en ce moment. Mais pourquoi ? On explique souvent ce phénomène par les origines frontalières de Merwin. C'est une analyse simpliste qui ne me satisfait pas. Mais que je sois figé s'il en existe une autre. » À leurs pieds, Bjorn lança un avertissement. Un loup au pelage brun fonçait droit sur lui. Au dernier moment, il esquiva et battit en retraite, laissant la place à un autre animal qui bondit sur le côté. Bjorn évita ses crocs que de justesse, et le coup de hache qu'il voulut lui asséner ne l'effleura même pas. À nouveau, les bêtes sauvages s'éloignèrent de leur démarche souple, hors de portée des hommes. Camille tenta une fois encore de se glisser dans les spires. Elle n'y parvint pas, mais commença à ressentir le pouvoir qu'irradiait le bois où il s'était réfugié. Un battement sourd qui pulsait de plus en plus fort faisait résonner le creux de son ventre. Salim s'agita. « Camille ?» Il se tut. Il frissonna et un de ses pieds ripa sur la branche qui le soutenait. De grosses gouttes de transpiration apparurent sur son front. Camille poussa un cri d'alarme qui passa inaperçu. Déjà, les loups attaquaient. Au sol, les quatre compagnons s'étaient placés dos à dos, près de Murmure, terrorisés. Mais l'assaut n'était qu'une feinte. Les crocs brillèrent, les mâchoires claquèrent sans que le sang coule. Les lames sifflèrent en vain. Les loups se retirèrent indemnes. Il faut nous mettre à l'abri dans les arbres, décida Edwin. Ou à la prochaine attaque, un de nous mourra. Le cheval est perdu, nous ne pouvons rien pour lui. Sans attendre de réponse, il tendit la main vers la longe qui retenait l'animal. Elana, déchirée, le regarda faire en silence. À cet instant, Salim émit un hurlement et jaillit de l'arbre où il s'était abrité. Il atterrit souplement, fit un roulé-boulé et se retrouva accroupi à moins d'un pas du mâle noir. Le loup retroussa les babines, laissant apparaître des crocs redoutables, et ses oreilles se dressèrent. Il était sur le point d'attaquer lorsque Salim se mit à grogner. Edwin, qui avait bandé son arc, se figea. La meute, ignorant complètement ses proies, s'approcha pour former autour des deux adversaires un cercle de regards attentifs. L'attitude du mâle noir devint plus agressive encore et les poils de son dos se hérissèrent. En réponse, le grognement de Salim s'amplifia et il commença à se déplacer lentement sur le côté. Le loup suivit son mouvement. Bientôt, Salim fit face à ses compagnons. Camille réprima un cri. Les yeux de son ami brillaient d'une lueur farouche, visible à des mètres de distance. Ils étaient jaunes. Salim parut soudain gagnant en puissance et avança droit vers son adversaire. Le loup ne grondait plus. Ses oreilles s'aplatirent sur son crâne et tout à coup, il se plaqua au sol. Il y eut comme un flottement dans la meute et quelques bêtes s'agitèrent en montrant les dents. Quand Salim grogna, elles se calmèrent instantanément. Il posa la main sur la tête du mâle toujours prostré et approcha son visage. Camille avait cessé de respirer. Lorsque son amie mordit sauvagement l'oreille du loup noir, elle ne put retenir une exclamation. Ce fut le seul bruit. Comme si la morsure avait entériné sa défaite, le grand mâle se leva et s'ébroua. Un des loups fit alors mine de lui bondir sur l'échine. L'ancien chef de meute le culbuta sans difficulté et le saisit à la gorge. Il le tint un instant à sa merci, puis, lorsqu'il fut sûr que l'autre renonçait, il desserra l'étau de ses crocs. Ayant ainsi restauré sa suprématie sur ses compagnons, il se détourna et s'éloigna à petite foulée. Les autres le suivirent sans accorder un regard aux humains. Salim s'écroula à terre et ne bougea plus. Edwin et Elana s'élancèrent vers lui pendant que Camille dégringolait de son arbre. Elle rejoignit son amie en courant. « Qu'est-ce ?» commença-t-elle. Puis, elle comprit, et ses yeux s'agrandirent de stupéfaction. Salim dormait à poing fermé.